chaud. Monsieur le producteur, pardon si je vous dérange, je suis un modeste chanteur et j'aimerais bien que ça change. Et y a un petit service que vous pourriez me rendre, c'est de m'aider à faire un disque, vous aurez même le droit de le vendre. Moi je ferai quelques concerts, le temps d'entrer dans la légende, après 2-3 mois de carrière. Moi, tout ce que je demande, c'est des millions, et après ça on se casse. Des millions, faire la tournée des palaces. Des millions, si vous faites pas notre bonheur. Des millions, on ira se faire voir ailleurs. Ouais. Monsieur le directeur de la Française des Jeux, je suis un modeste chômeur, mais on s'en fout un peu. Pourriez-vous simplement me filer un tuyau comme les numéros gagnants de la super cagnotte du loto? Je sais bien que vous pouvez pas en faire profiter tout le monde, alors autant que ce soit moi et moi. Tout ce que je demande, c'est des millions, et on dira rien aux autres. Des millions, quand on bronzera sur un yacht. Des millions, si vous faites pas notre bonheur. Notre père qui êtes aux cieux, je suis un pauvre pécheur, mais je jure de faire mieux si tu m'accordes une faveur. Ça me fend le cœur, moi qui suis un humaniste, de voir à quel point, Seigneur, les gens sont égoïstes. Sur terre c'est la débâcle, vaut mieux pas que tu redescendes, mais quitte à faire un miracle. Moi, alléluia, tout ce que je demande, c'est des millions, et on chantera des cantiques. Le soleil des tropiques. Des millions, si vous faites pas notre bonheur. Des millions, on ira se faire voir ailleurs. Ouais. Bah ouais, mais Bobby, on va aller voir qui maintenant? Oh, ah tiens, salut les gens, on est des concitoyens. On pensait à vous, c'est marrant, on peut dire que vous tombez bien. On se disait que le partage est une valeur qui se perd, alors arrêtons le naufrage et soyons solidaires. Si chacun y met le sien, il se pourrait bien qu'on s'entende. On compte sur votre soutien. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est des millions, on prend notre retraite en musique. Des millions, on arrête de vous parler de fric. Des millions, si vous nous filez pas d'oseille. Des millions, cassera les oreilles avec nos millions, ou au moins quelques euros. Des millions pour aller boire l'apéro. Des millions, et dites à Jean-Pierre Foucault.